L'auberge du monde par Hector Malot. Troisième partie, Ida et Carmelita, chapitre 1er. Il ne faut pas médire de la civilisation et de ses bienfaits. Cependant, on doit reconnaître, en ce qui touche spécialement la nature, ou plus justement le paysage, pour employer un mot moins vague, qu'elle est plus souvent un mal qu'un bien. Aussi, une contrée qu'elle a transformée et enrichie est-elle loin de valoir, pour le plaisir des yeux, ce qu'elle valait au temps où elle n'était qu'une contrée pauvre et sauvage. Nulle part, cette vérité n'apparaît plus évidente que sur les bords du lac de Genève. Il y a 100 ans, si l'on s'en rapporte à Rousseau, les pentes qui descendent des montagnes jusqu'au lac, qui s'étendent de Vevey à l'embouchure du Rhône, étaient couvertes de bois ou de prairies. Aujourd'hui, à la place des grands arbres, se dressent de maigres échalas, et les prairies ont été remplacées par des vignes aussi belles, aussi riches que possible. La civilisation a passé par là. Elle a défriché les bois, elle a mis les terres en culture, elle a construit des maisons et des murs, elle a dessiné des rues, elle a ouvert des boutiques, elle a enrichi le pays. Mais hélas, enrichir n'a jamais été synonyme d'embellir. Heureusement, dans un pays de montagne, la culture, si ambitieuse et si industrieuse qu'elle soit, ne peut pas tout envahir. La nature lui impose des limites qu'elle ne peut pas franchir. Et, à certaines hauteurs, elle doit quand même s'arrêter, vaincue et impuissante. Alors, plus de vignes, plus de boutiques, mais des pâturages, des bois, des ravins, des rochers, le paysage. Cependant, là où les boutiques s'arrêtent, n'osant plus monter, les hôtels sont plus courageux, et de crête en crête, ils s'élèvent toujours, invitant les touristes à les suivre. Tout le monde sait que la Suisse est la patrie des hôtels, qui pousse spontanément sur son sol comme les pins et les champignons. Pas de village, pas de hameau, si pauvre qu'il soit, pas de site, pour peu qu'il offre une curiosité quelconque qui n'est son auberge, son hôtel ou sa pension. C'est ainsi qu'au hameau du Glion, au-dessus de Montreux, à une altitude de 600 à 700 mètres, à la pointe d'une sorte de promontoire qui s'avance vers le lac, a été construit l'hôtel du Rigivaudois. La position, il est vrai, est des plus heureuses. À l'abri des chaleurs comme des froids, au milieu d'un air vif et salubre, en face d'un merveilleux panorama. Si l'on ne veut pas sortir, on a devant soi les sombres rochers de Meillerie que couronnent les Alpes neigeuses de la Savoie, et à droite et à gauche, la nappe bleue du lac, qui commence à l'embouchure du Rhône pour s'en aller vers Genève jusqu'à ce que ses rives s'abaissent et se perdent dans un lointain confus. Au contraire, si l'on aime la promenade, on n'a qu'un pas à faire pour se trouver immédiatement sur les pentes herbées ou boisées qui descendent des dents de Naye et de Jaman. Deux chemins conduisent au Glion. L'un est une bonne route de voiture qui monte du lac par des lacets tracés sur le flanc de la montagne. L'autre est un simple sentier qui grimpe à travers les pâturages et le long d'un torrent. Un soir, peu d'instants avant le coucher du soleil, le sommelier du Rigivaudois vit arriver par ce sentier deux voyageurs, ou plus justement deux promeneurs, car ils n'avaient pas le plus léger bagage avec eux. L'un était un nègre, jeune encore, de taille athlétique, souple et vigoureux dans sa démarche, vêtu d'un costume de voyage qui portait dans sa coupe la marque d'un bon tailleur parisien. L'autre était un blanc d'une 30aine d'années, de haute taille, aux épaules larges, aux reins solides. Il y avait dans son attitude quelque chose de militaire, mais sa longue barbe fauve et ses cheveux frisants, qui bouclait sur son cou, disait que s'il avait été soldat, il était depuis assez longtemps en non-activité. Tandis que le nègre marchait gaillardement, allègrement, le blanc, qui venait derrière lui, s'avançait la tête inclinée en avant comme un homme qui réfléchit beaucoup plus qu'il ne regarde. Ils passèrent devant la porte de l'hôtel sans entrer, sans s'arrêter, suivant une allée courbe qui semblait conduire à l'extrémité du promontoire. Effectivement, cette allée finissait une sorte d'esplanade, dont la vue s'étendait librement sur le lac et les hautes montagnes qui l'entourent. Cette esplanade était en ce moment déserte. Le blanc s'assit sur un banc de pierre, tandis que le nègre allait s'accouder à une certaine distance sur un parapet couvert de lierre et de plantes grimpantes. Le sol allait disparaître dans le ciel empourpré, et déjà les montagnes du couchant étaient noyées dans l'ombre, tandis que celles du côté du levant resplendissaient de teintes brillantes qui dessinaient nettement toutes choses de leur base à leur sommet, maisons, bois, pâturages, rogers, neige, et les rapprochaient pour celui qui les regardait. Le soleil, qui n'était plus qu'un disque rouge, sans rayon, s'était peu à peu abaissé, et son bord inférieur semblait s'être posé sur un pic dénudé. Mais il n'y resta pas longtemps. Lentement, il s'enfonça, diminuant toujours, et bientôt, il disparut complètement. Cependant, les montagnes, qui quelques instants auparavant étaient frappées en plein par ses rayons obliques, ne perdirent pas immédiatement leur teinte brillante, et ce ne fut que progressivement que l'ombre, partant de la surface blanche du lac, monta le long de leurs flancs, enveloppant, submergeant tout. Tandis que la nuit commençait pour la terre, le ciel restait éclairé d'une lumière blanche qui, sur les contours de petits nuages semés çà et là, prenait une joyeuse teinte rose. Mais ce qui surtout éblouissait les yeux et les émerveillait, c'était l'illumination qui couronnait les hautes cimes couvertes de neiges éternelles. Il semblait que les feux se fussent allumés sur ces neiges, qui devenaient de plus en plus rouges à mesure que l'ombre s'élevait le long des montagnes. Cependant, cette ombre, qui peu à peu montait toujours, ne tarda pas à gagner aussi ses sommets et à les éteindre rapidement les uns après les autres. Alors il se produisit un effet saisissant, bien fait pour émouvoir une âme troublée. Toutes ces belles couleurs, éblouissantes quelques secondes auparavant, s'étaient changées presque instantanément en teintes blafardes, et ces neiges livides, qui maintenant fermaient partout l'horizon, semblaient être un immense linceul qui allait descendre sur la terre morte pour l'envelopper et l'ensevelir. Le promeneur, qui s'était assis sur le banc de pierre, resta longtemps immobile après que la nuit se fut complètement établie, la tête appuyée dans sa main, le coude posé sur son genou, les yeux perdus dans les profondeurs sombres du lac. Puis, tout à coup, se levant, il se dirigea vers le nègre qui, paraissant d'humeur moins contemplative, se promenait en long et en large dans l'allée et sur l'esplanade. Voyant qu'il s'éloignait en lui tournant le dos, il l'appela à mi-voix. « Horace !» Alors le nègre s'arrêta et revint vivement sur ses pas. « Vous m'avez appelé, mon colonel ?»« Oui, mais qu'est-ce que je t'ai demandé en quittant Paris ?»« C'est juste, mais l'habitude est plus forte que la volonté. Je tâcherai de ne pas vous appeler, mon colonel. » Je tiens à n'être pas connu. Ne me donne donc pas un titre qui pourra mettre les curieux sur la piste, si toutefois nous rencontrons des curieux. Oui, mon colonel. Toujours, n'est-ce pas? On ne m'a pas entendu. Parce qu'il n'y a personne autour de nous, tout simplement. Enfin, ce n'est pas pour te gronder que je t'ai appelé. C'est précisément parce que vous ne me grondez pas que je retombe toujours dans ma sottise. Je vous en prie, grondez-moi bien fort. Tu vas aller à cet hôtel et tu vas demander si l'on peut me donner 3 chambres ayant vue sur le lac. Je veux que ces chambres soient en communication les unes avec les autres. L'une me servira de chambre à coucher, la seconde de salle à manger, car je veux prendre mes repas seul. La troisième sera pour toi. Si l'on te répond que toutes les chambres sont retenues, tu proposeras de payer double. Ce pays me plaît. Je veux y rester quelques jours, peut-être quelques semaines. Arrange donc les choses pour que cela soit possible. J'y tiens. Alors nous ne retournons pas ce soir à Beauvais. Nous couchons ici. Demain tu iras chercher les bagages. Tu donneras ton nom et pas le mien. Mais pour les lettres, il ne viendra pas de lettres. Faut-il commander à dîner? Oui, pour toi si tu veux. Pour moi, un morceau de viande froide dans ma chambre. Tu viendras m'apporter la réponse ici. Je t'attends. Tout d'abord, on répondit à Horace qu'il était impossible de donner 3 chambres dans ces conditions, que tous les appartements de l'hôtel étaient pris, et que ceux qui n'étaient pas occupés en ce moment étaient retenus par dépêche télégraphique. Mais quand Horace eut annoncé qu'il était disposé à payer le prix qu'on lui demanderait pour ses chambres, et à faire un séjour de plusieurs semaines, les difficultés disparurent. Après tout, les dépêches télégraphiques ne parlaient pas de chambres ayant vue sur le lac. On en réserverait qui avait vu sur la montagne, et l'on donnerait celle qu'il demandait à Monsieur Horace Cooper.